Le 16 courant, toujours à la même occasion, le présidium du comité central de la Chongnyon, Association générale des Coréens résidents au Japon, a fait parvenir un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le destinateur a tout d'abord rendu l'hommage le plus sublime au généralissime Kim Jong-il, éternel soleil de la Corée du Sud et la gloire suprême, et la félicitation la plus vive au maréchal Kim Jong-un, qui conduit à la victoire la cause du Tse et la cause patriotique de la Chongnyon, inaugurée et dirigée par les grands leaders. Ensuite, il a affirmé que la vie du général qui a conduit pendant plus de 50 ans la cause de la révolution du Tse était une vie la plus brillante du patriote sans égal, qui a anticipé de son temps tout ce qu'il pouvait faire pour la prospérité de la patrie et le bonheur des futures générations, ce qui constitue ses exploits impérissables dans l'histoire de la patrie. Le destinateur a continué comme ce qui suit. Le général est le penseur et le théoricien sans précédent qui a systématisé parfaitement l'idée directrice de l'époque du Tse par son intelligence géniale et ses études énergiques. Il est également un grand promoteur de Sun Gun à la volonté d'acier qui a brisé toutes les démarches scélérates des impérialistes et des réactionnaires visant à étouffer la Corée populaire et transformer la patrie en puissance politico-idéologique où tout le peuple est étroitement uni et en puissance militaire et nucléaire. Le général Kim Jong-il est le dirigeant éminent qui, selon le dessein du président Kim Il-sung, a développé la Chongnyon en pionnier du patriotisme, exemple de la fidélité envers la patrie et modèle des organisations des ressortissants coréens de la diaspora. Il est protecteur du destin de la Chongnyon et des Coréens au Japon. L'histoire du lien de sang entre le général et les compatriotes coréens au Japon continue grâce aux bienveillances et sollicitudes paternelles du respecté maréchal Kim Jong-un. Pour terminer, le destinateur a formulé la détermination d'appliquer les instructions de programme comme le message de félicitations de Nouvel An et la lettre du 25 mai 2015 du maréchal pour ainsi opérer à coup sûr un tournant dans la lutte pour jeter la base de l'essor destinée à ouvrir une nouvelle prospérité du mouvement des Coréens au Japon.